Thank you.

bizarre, mal famé, mec, pas gentil, vulgaire, sur les quelques femmes, ambiance enfumée, regard au coin, rien que crème. Pour ces gars-là, sourire, c'est fini, robe rouge débarque, cheveux d'ébène, le comptoir se casse la nuque, je me démène, je sais ce que boit la demoiselle, aux yeux de gazelle, donc je mêle un peu de vodka et ce qui donne des ailes, pose le verre en silence, elle ne calcule pas, et à chaque pas, on dirait qu'elle danse, on dirait qu'elle pense que le monde n'existe pas, je n'insiste pas, car je sais ce qu'est mon élégance, c'est un travail, je ne vais pas l'embêter, les profs vont s'embêter leur cœur, pas de taille, ni leur porte-monnaie, pas assez de mal, et moi je smile. C'est avec plus bas, moi qu'elle va rentrer. Éclatant pour aujourd'hui, c'est mort. Donc je mets le son fort et le lyrique, c'est tapant et pas tant. En partant, je dis j'ai pas le temps pour la monnaie, pas le temps pour les bijoux, pas le temps pour déconner. Je peux en trouver pour un bisou, pas le temps pour les trophées. Puis j'ai pas les jambes de ciseaux, je prends pour un gros bonnet. Moi j'ai pas le temps pour les filles, puis j'ai pas le temps pour déconner. T'as perdu à 16, mais moi je te dis qu'appelle-moi papy. Pas le temps pour un 16, pardon si j'insiste. Mon son, un zeste, si trop tabasse, moi ça pique, ça pique. Vas-y, résiste, tu veux, tu vas zombie. Non, non, j'ai pas le temps, je suis nana de ma vie. Mais bon, j'ai pas le temps, tu veux que ça aille vite, t'es fanatique. Rap, c'est pas de la magie, tu t'agites. Tu prends la tête, moi je vais aller bouger les bras, brûler le gras. Moi j'allais sur de la funk, de bibap, de loula. Ne bouge de là, ou de beca. Moi je ne risque pas, moi je ne suis pas monté. Car je suis qu'un type normal, mais j'ai la salle. Un type banal, mais je viens d'ailleurs. Je dis que ça, tu le sais. Demande à ta soeur, je suis qu'un type normal, c'est vrai. Mais le meilleur des types normaux. Que je lâche une dose de qualité. Peut-être tu bougeras la tête ou autre chose, mais quand je vais lâcher ma prose, tu vas t'agiter et c'est tes potes qu'on passe à l'idée. Fatalité, je crisais quand ça va tilter au lieu de s'habiter, jusqu'à ce que par un papa qui est méchant idée. Thank you. sont trop pour m'acheter. Je laisse le micro, non mais que c'est fou, je te pète le réseau. Même les pros ont perdu le mot. J'ai dit je teste le micro, non mais que c'est faux, je te perds sur les os. Prends le numéro, perso du type, mais je vais t'exterminer. Te faire du mal, te ruiner. Brancher au-dessus, mon vol, t'es tué, bâti de mine. Mais pour dominer, on sait que les pros se lèchent les micros. Je fais des pichons, je t'appelle. Même là.